et je me sens plus tranquille dans le bleu du soir. Dans le ciel, les astres brillent et les lumières scintillent sur le boulevard. J'ai pas sommeil, j'ai envie d'elle, de la musique qui joue fort. J'ai pas sommeil, j'ai besoin d'elle, de la musique. Oh, quand la ville dort. Prenne ton corps. J'écoute le cœur de la vie battre comme une rythmique jusqu'à l'aurore. J'ai pas sommeil, j'ai envie d'elle, de la musique qui joue fort. J'ai pas sommeil,